On va parler Connect NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien, ça va bien. Pascal, on va commencer en parlant des Bulls de Chicago. Les Bulls qui, écoute, ont remporté 4 victoires consécutives. Par contre, ça n'allait pas nécessairement bien pour les Bulls depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? Parce que c'est une équipe, c'est pas les Grizzlies de Memphis, c'est pas les Rockets, mais les Kings de Sacramento. C'est une organisation qui a un passé glorieux. De voir les Bulls en fond, ça marche pas là. Ben, t'as raison, mais faut pas oublier. Écoute, je vais te nommer 3 noms rapides. Butler, qui est leur meilleur joueur. Okay. Wade, puis Rondo, ne sont plus là. Ok. Ok. Donc, on parle d'un renouveau complet. Exactement. Et je dirais qu'en plus, on a eu une bataille dans le vestiaire entre Portis puis probablement leur meilleur joueur en ce moment qui est Mirotic. Ouais. C'était pas juste une petite bataille, là. Excuse-moi, Danny. C'était pas juste une petite bataille, là. Portis a donné un coup de poing en face à Mirotic. Il était absent. Je pense qu'il est revenu il y a exactement 4 matchs. Okay. Hier, c'est son 4e match. Donc, le retour de Mirotic, 4 matchs, 4 victoires. On a commencé la saison avec 3 défaites. Je pense qu'on a 7, pas 3 défaites, mais on a 7 victoires seulement cette année. Okay. On en a 4 dans les 4 derniers matchs. Quand même, c'est intéressant pour les Bulls de Chicago. On voit un petit peu de lumière au bout du tunnel, mais c'est vraiment une équipe, comme tu as mentionné, là, le mot reconstruction, complète. OK. Donc, mais est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être... Parce que là, on parle que Mirotić et Robin Lopez pourraient être échangés bientôt. Ben écoute, je pense que je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas si on essaie la même formule qu'à Philadelphie, où on a vraiment été chanceux et malchanceux, le fait d'avoir des premiers choix au repêchage. Mais en même temps, on a eu des blessés, que ce soit Ben Simmons qui était blessé il n'y a pas joué sa première année, que ce soit Joel Embiid qui n'a pas joué pendant 2 saisons. Ça fait plusieurs années qu'on attend Philadelphie. En ce moment, Philadelphie sont là. Ils cognent à la porte des séries. Mais du côté des Bulls, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de mauvaises saisons que de bonnes saisons dans les saisons qui s'en viennent. OK. Parlant de Philadelphie, ils ont changé Anil Okafor à Brooklyn la semaine passée. Écoute, Okafor, avec les Ben Simmons, les Joel Embiid, c'était pas nécessairement son passage à Philadelphie. Comment tu classes ça? Est-ce qu'il s'est développé à son plein potentiel? Parce que ça a été... Je me rappelle bien, c'était le premier choix, il y a 2-3 ans. Hein? Écoute, je pense que ce jeune-là, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Il n'était tout simplement pas dans les plans de l'organisation. Même, on jouait plus Nerlens Noel, qui est rendu à Dallas, que lui joue même presque plus. Ça n'a jamais, Okafor n'a jamais bien saisi son opportunité, mais moi, je ne suis pas convaincu qu'on lui a donné son opportunité. Il y avait un commentaire de Joel Embiid de la semaine passée quand justement il lui a dit « Écoute, j'ai beaucoup de respect pour toi, content d'avoir été ton coéquipier. Maintenant, je vais te... » En anglais, l'expression « kick your butt » pendant les prochaines années, en voulant dire que je vais continuer à te battre pendant les matchs. Mais je pense qu'on n'a pas donné l'opportunité à Okafor. Okafor a montré beaucoup de maturité parce que tu n'as pas entendu parler de lui négativement dans les médias. Lui, tout ce qu'il a dit, « Si vous voulez pas me jouer, échangez-moi. » Et on a finalement pris la décision de l'échanger. Moi, je pense qu'Okafor va être un joueur. Je pense que c'est un 5 partant dans la NBA. Je vais porter attention un petit peu plus à lui avec les Nets de Brooklyn pour voir ce qui va se passer. Mais je pense que c'est un meilleur joueur que les 76ers ont donné l'opportunité. Puis lui, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui arrivait. Donc, c'est que ce soit Embiid ou Nerlens Noel avant. Où il passait toujours en deuxième. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire à Brooklyn. Puis on a quand même été chercher un vétéran, Trevor Booker, que j'aime beaucoup. C'est un ailier fort. C'est un joueur avec beaucoup d'énergie. Donc, c'est quand même pas une mauvaise échange pour Philadelphie. OK. Donc, ça va être intéressant. Parlant d'échanges, les Rockets et Houston qui ont déclaré cette semaine qu'ils aimeraient bien ça avoir LeBron James l'an prochain. C'est drôle, moi LeBron, je le vois à Los Angeles l'an prochain avec les Lakers, surtout que je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben écoute, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations, ouais. Les Clippers aussi le voient dans leur soupe. Les Lakers? Les Spurs pensent qu'ils ont... attends, là, les Spurs, ouais. peut-être qu'ils pensent qu'ils ont une chance. Là, on parle des Lakers en particulièrement aujourd'hui, Danny, parce que tu sais que ce soir, c'est les Lakers à Cleveland. Okay. Donc, c'est un match quand même intéressant avec beaucoup de publicité avec la famille Ball. Je sais que tu veux qu'on en parle tantôt. Ouais. LeBron James, moi, je vais te dire quelque chose. Puis, tu peux l'écrire, prendre une note. L'année prochaine, il va être avec Cleveland. Ce qui serait logique. Moi, je vois pas LeBron ailleurs que Cleveland. C'est drôle, hein? Il l'a fait une fois. Il l'a fait une fois s'en aller à Miami. Mais là, de repartir, de... Non, c'est, je sais pas, là, à quelque part, surtout que j'étais allé à Cleveland, j'ai vu ce que c'était LeBron à Cleveland. Quand tu dis que t'as une photo géante au centre-ville de Cleveland, là, c'est hallucinant. Mais ça, Danny, lui, n'importe quelle ville, il va avoir une photo géante sur un building, là. Moi, mon opinion, c'est que, premièrement, financièrement, c'est l'équipe qui peut donner le plus d'argent. OK. Il va jamais signer des contrats à long terme, LeBron. À moins qu'il décide son dernier contrat. Moi, je vais te dire quelque chose. LeBron James veut jouer sa dernière saison en espérant que ce soit la première de son garçon. À cause de son garçon, il est très bon. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui. Son garçon, est-ce qu'il va faire la NBA ou non, je ne sais pas, mais moi, je te dis, LeBron James aimerait jouer sa dernière saison quand son garçon... Là, on parle, je pense que son plus vieux a 15 ans. Fait qu'il y a une possibilité. LeBron est capable de jouer encore 5 ans. Il est où? Il est au high school à 15 ans? Ouais, il est au... je pense qu'il est à... On parle de freshman high school. Là. Freshman high school, OK. L'autre chose pour moi, pourquoi tu t'en irais dans l'Ouest où tout le monde se bat? Quand dans l'Est, il domine encore. Tu sais, on parlait pour Cleveland, sont trop vieux, blablabla. Bla, bla. Ils sont en deuxième place en ce moment. OK, avec les Raptors en troisième et les Celtics en première place. Okay. Je pense que LeBron, en ce moment, joue son meilleur basketball. Statistiquement, cette saison, il est meilleur dans presque... Non, il est meilleur dans toutes ses statistiques que les trois années qui étaient le meilleur joueur de la NBA. Okay. Pense à ce que je viens de dire là. Ouais. Si tu prends ces trois années où il a été nommé le meilleur joueur de la NBA... Ben, tu prends les statistiques de ces trois années-là. Cette année, il est meilleur dans toutes les catégories, que ce soit points, rebonds, passes, pourcentage du terrain, pourcentage de trois points. C'est ridicule ce qu'il fait en ce moment. Ouais. Moi, comme toi, je pense, on pense pareil, Danny. Je pense pas qu'il va quitter Cleveland. Je pense pas qu'il va quitter sa zone de confort. Il veut construire une école. Il a déjà investi au-dessus de 50 ou 60 millions dans des bourses. Ça, c'est son argent en passant. Dans des bourses. Pour envoyer des jeunes à l'université. C'est un natif de Ohio. Moi, je ne le vois pas partir. Je pense que le succès de cette année, le retour d'Isaiah Thomas, puis peut-être une couple de jeunes joueurs, parce qu'il y a quand même des joueurs intéressants, là. Ils ne sont pas si vieux que ça. Peut-être Channing Frye, Jefferson est déjà parti. On a un premier choix au repêchage, n'oublie pas ça, dans l'échange d'Isaiah Thomas avec les Celtics. Les Celtics ont donné un premier choix qui pourrait être un top 5, un jeune qui pourrait arriver. Puis, en passant, j'ai un feeling que Tristan Thompson va être échangé. Ouais, OK. Ça, c'est mon feeling. Puis, on parle de DeAndre Jordan. Fait que moi, aujourd'hui, je suis convaincu que LeBron, il va se passer des choses que je peux pas prédire, que je pense qu'il va se passer, mais je suis presque sûr que LeBron va être à Cleveland. Il va signer un autre contrat de 2 ans avec la deuxième année d'option, puis ces choses-là, puis à 30-40 millions par année. Comment il s'appelle le fils à LeBron James? Hein? C'est LeBron James Jr.? Je pense qu'il y a... il l'appelle Brown. Je pense que c'est LeBron James Jr., ouais. OK. Il y a 3 enfants, je ne me trompe pas. Je vais chercher en même temps quand on va se parler de d'autres choses. Ouais, je le vois, c'est LeBron James Jr., c'est exactement. C'est exactement ça, donc... Le garçon de Dwayne Wade est très bon. OK. En parlant de garçon... Je pense que LeBron est peut-être 1 an ou 2 plus vieux que Dwayne Wade. Il a peut-être 13 ou 14 ans. OK. En parlant de garçon, Pascal, le fils de Shaquille O'Neal, Sharif O'Neal, est-ce qu'il est bon? Tout un prospect. Ouais, mais il est avec LSU, je pense. Il est-tu encore actuellement? J'avais vu l'article qu'on est passé dessus. Je pense que c'est sa dernière année au secondaire, puis il va décider où il va aller à l'université. OK. Je pense qu'il n'est pas à l'université encore, ouais. Mais il est très, très, très habile. C'est pas un centre comme son père. Okay. C'est plus un allié capable de prendre des tirs de trois points, athlétique. Tu sais, Danny, dans le sport, il y a différentes habiletés, OK? Mais on va être honnête, là. Mm. Je connais pas assez le hockey, mais il y a ce que j'appelle la catégorie génétique. OK. Puis, t'as des athlètes qui l'ont, tu sais. Moi, j'ai deux jeunes dans mon programme Tornade, qu'eux, ils ont gagné la loterie génétique, là. Mm. 15 ans, les frères Rioux, t'as eu la chance de voir le reportage sur TVA Sport. 15 ans, 6 pieds 9, avec un tir de 3 points spectaculaire. Déjà sur le radar de Team Canada. Puis son petit frère, 11 ans, 6 pieds 10, habile. Mais ce que j'appelle la loterie génétique, eux autres, ils l'ont déjà gagné. C'est-tu lui que j'ai vu sur RDS? Voyons, Pascal Jolivet. C'est qui est. J'ai vu un partage sur RDS là-dessus, là, que c'était le meilleur prospect québécois. Là, Pascal, hier c'était le retour de Paul George à Indianapolis. Comment dans l'histoire des Pacers, tu le places où Paul George? Parce qu'il a été hué. Je t'ai texté hier pour te demander, c'est-tu le meilleur joueur de l'histoire des Pacers? Je te dis non, c'est Reggie Miller. Mais est-ce qu'il fait partie du top 3? Je dirais top 5. OK. Parce que t'avais Reggie Miller, t'avais Mark Jackson. OK. Il y a quand même eu de très bons joueurs. Les années de Paul George avec les Pacers, avec David West qui est maintenant avec les Warriors de Golden State, t'as eu des années où on cognait à la porte, mais on perdait contre Miami, contre LeBron. OK. Paul George est quand même un joueur, il s'est développé à Indiana. Il est devenu un All-Star à Indiana. Fait que t'as pas tort de dire c'est dans les top, peut-être top 3, moi je dirais top 5, parce que si on prend l'historique au complet, mais moi je mets Monsieur Indiana Basketball, c'est Reggie Miller selon moi, le numéro 1 de cette franchise-là, sans aucun doute. Okay, okay. Mais Paul George c'est pas le meilleur. Mais maintenant c'est fini parce que là, c'est pas un manque de respect envers une franchise, parce que une franchise peut t'échanger quand qu'ils veulent. Mais il avait mis ça clair et net. Il a forcé les Pacers à l'échanger. Ouais. OK. C'est pour ça qu'il était hué un petit peu hier. Bon, c'est toujours ça, hein. C'est souvent hué les joueurs qui. Les joueurs qui Irving n'a pas été hué quand il est revenu à Cleveland. OK. On a même fait une vidéo spéciale pour lui, pour le remercier. Mais il avait quand même demandé d'être échangé, oublie pas, puis il a été échangé. Fait que c'est rare qu'un joueur ait été échangé puis retourne chez eux. Il s'est pas fait huer. Il a eu, t'as vu LeBron James après le match le donner un hug. Tandis que Paul George, la façon qu'il a fait ça, ça a été peut-être moins apprécié. Puis il a quand même pas amené un championnat à la ville. Kyrie Irving a amené un championnat à la ville des Cleveland. C'est quand même lui qui a rentré le ticket pour battre les Warriors. OK. Les frères Hall, on va en entendre parler. Je pense qu'on va une chronique sur deux. On va parler des frères Hall parce que c'est un phénomène. Écoute, parlez-en bien, parlez-en mal, mais j'ai l'impression que c'est une histoire de film, Pascal. Les Américains sont forts sur les films, là. Ce serait quasiment une histoire de film, ce que le père fait avec les fils. Là, pour les gens qui seraient. Les dernières nouvelles, c'est que c'est DeLonzo Hall qui a été chassé de UCLA parce que justement, il avait été poigné pour vol à l'étalage. C'est Donald Trump qui l'a sorti de prison. UCLA l'expulse, et là, lui et son fils s'en vont en Lituanie, où ils vont rejoindre l'équipe de la Lituanie, une équipe d'une ligue là-bas. C'est incroyable, c'est une histoire complètement folle. Est-ce que tout ça, là... Je vais juste t'éclairer vite, OK? OK. Tout a commencé avec le père Ball, que lui... Lorsque Lonzo était à UCLA, on a commencé à entendre parler de lui. Après ça, il a parti sa propre compagnie de souliers, sa propre compagnie de vêtements, Big Baller, tu sais. Fait que là, c'est devenu quelque chose d'intéressant. Là, tout d'un coup, il y a eu un suivi, parce que là, il est devenu populaire, parce que son gars était quand même, il a quand même été repêché deuxième. par les Lakers, mais lui, il avait dit il y a longtemps, mon gars va jouer pour les Lakers, mes garçons vont jouer pour les Lakers. Mm. Le plus jeune avait signé avec UCLA. Celui entre les deux, LiAngelo, était à UCLA. L'UCLA était dans un voyage en Chine. De faire un historique rapide. Et ils ont été arrêtés. Ils ont été forcés à rester dans leur chambre d'hôtel de luxe. Okay. Ils n'ont jamais été en prison. Ah, ils n'ont jamais été en prison parce que moi j'avais su que c'était Donald Trump qu'ils avaient sorti de prison. Ils n'ont jamais été en prison. Ce qui s'est passé, c'est que légalement, il y a des gens qui se sont assurés qu'ils restent à l'hôtel, qu'ils devaient avoir des avocats. Et là, on ne savait pas combien de temps ils auraient été punis ou ils auraient dû rester dans l'hôtel. Okay. Jusqu'à temps que ça passe en cours où ils étaient passibles jusqu'à presque 10 ans de prison. De 4 à 10 ans de prison. Okay. Et c'est Donald Trump qui a fait que le gouvernement chinois les a renvoyés aux États-Unis. Okay. Une fois qu'ils sont revenus, UCLA, l'université où LiAngelo joue et les deux autres joueurs, ont été suspendus indéfiniment. Et c'est là que le père lui a dit, attends, là, tu me dis, tu peux pas me dire quand est-ce que mon gars va recommencer à pratiquer ou à jouer? Ben regarde, j'enlève mon gars de l'université. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Et non seulement il a enlevé son gars de l'université, mais il a décidé avec l'agent de Lonzo Ball de faire signer ces deux garçons, dont le Melo qui a 16 ans seulement, un contrat avec l'agent. Ça veut dire que LiAngelo et le Melo Ball, les deux jeunes frères, en signant avec un agent, ont perdu toute opportunité de jouer dans le circuit américain universitaire. Ouais. Là, ils s'en vont dans un petit club en Lituanie, okay, où l'entraîneur ne parle pas français, où ils vont faire à peu près 500$ par mois. Donc, ils ne sont pas là pour l'argent. La raison que ce club-là les a signés, c'est parce qu'ils espèrent remplir les estrades, qu'il y a à peu près 20 personnes qui vont voir les matchs. Okay. Je vais pas porter jugement parce que j'aime à 80% ce que le Varball fait. Je respecte, moi, tu me connais, Danny, depuis qu'on se parle, j'ai pas un énorme respect pour le circuit universitaire américain pour plein de raisons. Pas parce que c'est pas bon. Je pense qu'ils abusent et ils profitent des jeunes athlètes. Si mon enfant, à moi, est assez bon basket, ou à 16-17 ans, il peut aller en Europe au lieu de jouer à l'université, je vais l'envoyer en Europe. Okay. Fait que, avoir Ball fait avec ses garçons, moi, je le ferais si j'avais l'opportunité de le faire. Je ne vais pas te mentir. Là. OK. Maintenant, ouais, tu dois choisir le pays, puis où tu t'en vas, puis le niveau de développement. LiAngelo, physiquement, est probablement capable de jouer dans cette ligue-là, parce que c'est une ligue d'hommes. Okay. Le Melo, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ça risque... Moi, j'aurais gardé le Melo quand même au secondaire, une année ou deux. Je pense qu'il restait un an au secondaire, peut-être deux. Mais LiAngelo, à 6 pieds 5, il a quand même 19 ans, il est fort physiquement. Il est capable de jouer là-bas. Ça va être intéressant de voir si ça va être bon pour le Melo. Moi, j'aurais peut-être gardé le Melo une autre année au secondaire. Amuse-toi, joue avec tes amis. Fait que c'est peut-être... Je peux être 50-50 dans la décision du père. Le plus vieux, LiAngelo, c'est correct, mais le plus jeune, je ne sais pas si ça va être correct pour lui. C'est incroyable, en tout cas. C'est incroyable. C'est un roman savant. Mais là, à suivre, certainement, parce qu'on n'a pas fini d'en parler, parce que lui, là-bas, là, le père va certainement sortir des médias pour savoir comment que ça se passe là-bas. Là. Le père va être là-bas, c'est sûr. Je pense qu'ils s'en vont après Noël. Ils vont commencer leur carrière en janvier. OK. Est-ce qu'il y a un des deux qui est calibre NBA? Le plus jeune, s'il se développe, puis comme je te dis, on parle de il risque d'être peut-être 6 pieds 8 comme point guard. S'il grandit à 6 pieds 8, il y a des chances, parce qu'il est déjà plus grand je pense qu'il est déjà plus grand que les deux autres frères. Fait qu'il est après grandir, lui. Là. Comme je te dis, on parlait de la trigénétique, mais s'il continue à grandir. Je pense pas que LiAngelo, c'est un professionnel NBA. Le Melo, c'est à suivre. Mais là, tu peux très bien gagner ta vie en Europe. Là, c'est fort, puis ça paye bien en Europe aussi. Ouais, en Europe, dépendamment où tu es. Là, il n'y a aucun gros club d'Europe qui ont voulu signer les deux. Là, mais non, c'est un paquet de problèmes. Mais oublie le problème. Là. Ils sont pas capables de jouer à ce niveau-là. OK. Mais il y a des pays en Europe, c'est calibre NBA. Là. Ah ouais. Pascal, j'aurais voulu parler des Raptors, mais on va se reparler après les fêtes. Parce que là, on peut juste dire une chose, les Raptors sont dans l'Ouest actuellement. Toute une équipe cette année. Là. Toute une saison, là. Je veux dire, faut pas. Là, les attentes vont être très, très hautes dans les séries. Là, ouais. Parce qu'ils font. Ils sont en troisième place, puis c'est toute une équipe. Là. Ouais. Fait qu'on... C'est à suivre, mais c'est une belle équipe cette année, les Toronto. On s'en reparle dans. Ben, on va s'en reparler en temps des fêtes, pour notre... mais ce sera pas l'actualité, ça va être la revue de l'année comme on fait habituellement toutes les années. Puis on s'en reparle après les fêtes pour l'actualité. Ça me fait plaisir, Danny. Les collaborateurs, Pascal Jean.